Latino. Jean Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre. C'est le moment de suivre le journal dont voici tout de suite le sommaire. Inauguration ce vendredi de la centrale hydroélectrique Kabousèze. L'occasion pour le président de la République d'appeler les habitants de la province Cibitoke d'en profiter. La commission électorale nationale indépendante annonce le chiffre de près d'1 750 000 Burundais déjà inscrits au rôle d'électeurs pour les scrutins de 2025. Trois jours après le début de l'opération, c'était dans un point de presse ce vendredi. Et la Fédération de football du Burundi vient de remercier le sélectionneur national des Inamba Murugamba. Explication donnée, Étienne Ndayiragije n'a pas réalisé de performance souhaitée lors des dernières compétitions éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Dans ce journal, il sera également question de l'état d'exécution des projets financés par l'Agence française de développement dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Le directeur sous-régional de l'AFD, Jean-François Arnal, qui est dans nos murs, se dit satisfait. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le chef de l'État burundais appelle les habitants de la province Cibitoke vivant dans les montagnes de quitter ces endroits pour s'installer dans les villages afin de bénéficier du courant électrique produit par la centrale hydroélectrique Kabousèze. Cet appel a été lancé ce vendredi lors de l'inauguration de cette centrale qui va donner 20 MW. Évariste Ndayishimiye n'a pas manqué de rappeler que cette centrale a failli ne pas être construite comme celle de Manda en province Bubanza. Uru rugomero rw'umuyaga nkuba barabana babiri bari kuvukira rimwe yaramahasa. Cette centrale hydroélectrique que nous inaugurons aujourd'hui, nous l'avons longtemps attendue avec de la fatigue. Cette centrale n'était pas seule, il y avait une autre. Mais la deuxième a été étouffée et n'a pas vu le jour. Celle-ci a aussi failli rater. Lorsque je suis venu la voir, je trouvais qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait du courant électrique au Burundi. Celle qui n'a pas vu le jour, c'est la centrale de Manda. Après avoir constaté cette situation, l'on a tout fait pour que la première ne soit étouffée comme la deuxième. Quand je suis entré dans mes fonctions, mon ambition était d'avoir de l'énergie suffisante pour accéder à un capital, mais j'ai constaté que mes proches collaborateurs n'en voulaient pas. J'ai trouvé qu'à la régie des eaux, les groupes électrogènes qui pouvaient procurer 5 MW ont été fermés. J'ai trouvé qu'à Manda, au lieu de construire la centrale hydroélectrique, ils ont pris tout l'argent et sont partis. Et j'ai trouvé Kabousèze à l'agonie. Vous entendrez que la lutte a été de longue haleine. C'est pourquoi aujourd'hui, la joie est immense. Lorsque l'on a essayé le premier moteur, le deuxième a été démonté et ses accessoires ont été volés. Par après, nous avons mené des enquêtes et on est parvenu à mettre la main sur les accessoires. Aujourd'hui, la centrale Kabousèze commence à procurer de l'électricité, que Dieu soit loué. Nous voulons de l'électricité suffisante pour que tous les villages du pays soient éclairés, que tout le monde soit servi. Mais personne ne sera raccordé étant dans les montagnes. Il faut vous installer dans les villages pour en bénéficier. Le directeur sous-régional de l'Agence française de développement dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est se dit satisfait de l'état d'avancement des projets qu'elle finance. Jean-François Arnal, en visite au Burundi, l'a dit ce jeudi lors de sa descente au lycée communal de Buterere en commune urbaine de Nahangwa. C'était pour se rendre compte de l'état d'exécution du projet EJO 2 qui aide les jeunes filles et garçons à acquérir des connaissances à travers les jeux. Les parents de ces enfants saluent ce projet qui les aide à s'épanouir socialement à travers le sport. Les détails, c'est dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyana. Nous sommes au lycée communal de Buterere, où le directeur sous-régional de l'Agence française pour le développement dans la communauté est-africaine s'était rendu pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet EJO2, un des projets qui aide les jeunes filles et garçons à s'épanouir à travers les jeux. Jean-François Arnal, en visite au Burundi, se dit satisfait. Alors, parmi les projets qui sont là, on est venu voir un projet qui consiste dans une école à organiser des jeux avec les enfants, mais c'est des jeux qui ont une vocation pas uniquement ludique, mais surtout d'apprendre aux enfants à bien s'insérer dans la société, à bien se comporter à l'égard des autres, à respectueux les uns des autres. Ce sont des jeux qui sont là pour véhiculer des messages, c'est-à-dire comment écouter l'autre, se coordonner avec l'autre, discuter avec l'autre et prendre soin de l'autre. C'est ça ce qui est le plus important dans notre société moderne. La chargée du projet EJO2, Adèle Ndikoumasabo, projet mis en exécution par l'ONG Play International, elle aussi trouve qu'il y a déjà un impact positif de ce projet qui s'étend sur Bujumbura, la capitale économique. Mais là, on a touché 8600 enfants, dont 51% des filles. Avant, ce n'était pas comme ça parce que les filles ne participaient pas dans ces activités socio-sportives. Mais on a recruté des animatrices. On a eu 50% des animatrices. Maintenant, ces filles animatrices accueillent les enfants filles et parviennent à les maintenir sur le terrain. Souvent, elles viennent, elles participent, elles jouent ensemble avec les garçons. Et on a aussi formé 48 animateurs et enseignants. On a formé 16 enseignants, dont aussi les 8 tantes et 8 pères dans 8 écoles. Ces tantes et pères de l'école aident les enfants quand ils sont rencontrés des violences basées sur le genre. Là, le rôle, c'est de les appuyer, de les mettre dans un endroit pour les écouter, les accompagner, trouver des solutions avec eux. Les parents des enfants qui se rencontrent sur le terrain du lycée communal de Buterere pour pratiquer le sport à travers le projet EJO2 confirment que ce projet a une valeur ajoutée, surtout que leurs enfants s'intègrent progressivement dans la société et deviennent intelligents suite à la pratique du sport. Ces jeux poussent nos enfants à bien agir dans la société, à échanger avec les autres. Ça aide aussi à éviter le désordre, car les enfants sont difficiles à maîtriser. S'ils sont sur le terrain, ils échangent les idées de voir comment s'occuper de petits travaux dans les ménages. Les encadrer les forme à aimer du travail, à aimer les études. Le sport aide vraiment nos enfants à être intelligents en classe. Jean-François Arnal, directeur sous-régional de l'Agence française pour le développement en Afrique de l'Est, promet que cette agence va continuer à appuyer le Burundi dans les domaines du sport, de la santé et de l'énergie. Évariste Nzikobanyan. Près d'1,750,000 Burundais se sont déjà fait inscrire au rôle d'électeur en 2025, trois jours après le début de cette opération, affirme le président de la Commission électorale nationale indépendante dans un point de presse ce vendredi. À la question de savoir si l'enrôlement peut être considéré comme une obligation, Prosper Nahorouamiye a indiqué que l'administration a ses stratégies pour sensibiliser ses administrés. Il ajoute qu'il est loisible aux partis politiques de participer aux élections en coalition. On l'écoute. Les inscrits jusqu'à hier au niveau total, c'est 1,742,111. Province Gitega, 482,880. Province Boutanyelela, 423,961. Province Bujumbura, 354,581. Province Wumuza, 274,913. Et province Burunga, 205,776. Voilà l'état des lieux. Et si on fait le total global, c'est une estimation d'autour de 29%. 29%, c'est proche de 30% les trois premiers jours. Il nous reste encore, alors nous avons 10 jours. Si ça continue au même rythme, c'est une très bonne progression. Certains administratifs communiquent à la population que l'enrôlement est obligatoire. Est-ce une orientation de la CENI? Le droit de vote, c'est un droit garanti à tous les citoyens, mais le citoyen burundais est libre de participer ou de ne pas participer aux élections. Ça, c'est un droit. Mais après un droit, il y a un devoir. Alors, concernant la question que tu viens de me poser, tout État, tout gouvernement a le droit de sensibiliser la population à faire une activité dans le cadre de l'éducation citoyenne. Aussi, le gouvernement a le droit de sensibiliser la population à prendre part aux élections en se faisant enregistrer. Donc, toutes les mesures que l'État peut prendre dans le sens d'éduquer la population, dans le sens d'aider la population à jouir pleinement et totalement de ses droits, c'est tout à fait normal. Et pour nous, la CENI, c'est bon. Nous allons avoir plus de gens qui participent aux élections et ça va crédibiliser davantage le résultat des élections. Et si l'enrôlement se fait d'une façon obligatoire, ça ne peut pas entacher le déroulement du processus électoral? Quel entachement? Il faut séparer deux choses. Il y a les obligations de citoyens, il y a aussi les obligations de l'État. Le citoyen a le droit de ne pas voter, il en a son droit. Mais l'État a l'obligation d'éduquer la population à participer aux élections. Le président de la CENI, Prosper Nhaourgouamiye, dont les propos ont été recueillis par Omer Ndouayo. La corruption et l'injustice envers la population persistent au Burundi, a déploré le numéro 1 burundais au cours du Conseil des ministres tenu mercredi cette semaine. Dans un extrait du compte rendu du secrétaire général du gouvernement, Jérôme Niyonzima informe également que dans la marche vers les élections de 2025, la situation est calme, contrairement aux périodes antérieures. Suivez-le. Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi a demandé aux membres du gouvernement d'identifier chacun dans son secteur les priorités en termes de projets et mobiliser des investisseurs en conséquence. Il leur a demandé de savoir anticiper sur les voies et moyens de mettre en œuvre ces projets. Il a également indiqué que la situation politique est calme à la veille des élections de 2025, contrairement aux périodes antérieures, signe de stabilité du pays et de la maturité politique des Burundais. Il a cependant déploré la persistance de la corruption et de l'injustice envers la population. Il a donc demandé de déployer toutes les énergies nécessaires pour lutter contre ces phénomènes. Il a pour terminer rappelé aux membres de l'exécutif burundais qu'ils doivent briller par l'exemple et se faire enrôler avant les autres afin de se préparer au grand rendez-vous électoral prochain qui est non seulement un droit mais également un devoir. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a déclaré que les semences sélectionnées seront disponibles en quantité suffisante au Burundi quand on aura un centre d'experts dans la multiplication des semences. Concernant la pénurie d'eau et d'électricité, il a répondu que cela est dû au manque de devises pour acheter du matériel à l'étranger. Il l'a dit ce jeudi lors de la présentation du rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel pour le deuxième semestre de l'exercice 2023-2024. Jean-Marie Mayonga. Certains députés et sénateurs ont voulu savoir pourquoi les gens n'ont pas d'électricité alors que le budget alloué dans ce travail a été voté et d'autres ont voulu avoir de la lumière dans la distribution des semences sélectionnées cherchées par les agriculteurs et ne les reçoivent pas en quantité suffisante. Comment se présente la situation des semences sélectionnées? Les recherches ont été menées dans différentes variétés comme les patates douces, le maïs. Aujourd'hui, comment se présente le taux de semences améliorées dans ce deuxième semestre? On parle des compteurs de l'eau et de l'électricité qui n'ont pas été distribués. Nous avons entendu le ministre de l'Énergie annoncer que les matériaux sont disponibles et nous trouvons que le pourcentage de distribution est moins de 10%. À ces inquiétudes, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a répondu que pour l'électricité, les matériaux nécessaires utilisés par la régie des eaux s'achètent à l'étranger en devise, raison de ce retard. Quant aux semences sélectionnées, il a bien précisé qu'au moment où le Burundi n'a pas encore le centre de multiplication des semences sélectionnées, ça restera problème. Confirmer que tous reçoivent les semences sélectionnées, je pense que c'est difficile. Je n'ai pas de chiffres à vous présenter, mais il faudra inviter le ministre en charge de l'agriculture pour plus de lumière. Au moment où notre pays, le Burundi, n'a pas encore eu un centre de multiplication des semences propres fabriquées par nous-mêmes, c'est ça la seule réponse effective. Cette question doit être étudiée par nous Burundais pour que notre pays ait ce centre qui produit les semences sélectionnées. sélectionnés afin qu'on les trouve facilement. Ces matériels qu'on cherche à la régie des eaux ne sont pas fabriqués ici chez nous. La régie des eaux aussi a besoin des devises pour acheter ces matériaux comme les fils achetés en devises. Si ces fils ne sont pas trouvés immédiatement, ça devient un problème. Mais je sais que cette société commence à s'organiser pour résoudre ce problème afin d'éclairer là où il y a les poteaux, suivant les conventions signées avec FONIC qui représentait les communes. Le ministre Gervais Ndirakobucha, dans le programme Protection sociale, Action protection de l'enfance, il a montré que 400 enfants assistés en matériel scolaire, parmi eux 325 ont été payés les frais scolaires et autres besoins. Jean-Marie Mayonga. Je vous l'avais dit dans les titres, le sélectionneur national de l'équipe de football Inhamba Murugamba n'est plus dans ses fonctions après une entente de mise à terme de son contrat ce 24 octobre 2024. Dans une interview exclusive accordée à notre rédaction, le secrétaire général de la Fédération de football du Burundi, FFB, explique qu'Étienne Ndayiragije n'a pas bien rempli son contrat au cours des dernières compétitions éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Jérémy Manirakiza ajoute que le prochain sélectionneur sera recruté sous peu, affirmant que jusqu'aujourd'hui, ce sont des Burundais qui ont déjà réalisé de belles performances par rapport aux sélectionneurs étrangers. On l'écoute. La FFB et le sélectionneur de l'équipe nationale se sont entendus pour mettre fin à leur collaboration. D'ailleurs, il ne restait pas beaucoup de mois avant l'expiration du contrat. En fait, c'est une évaluation collective, une évaluation du sélectionneur par rapport à son cahier des charges, parce que lui, l'ambition était de qualifier l'équipe nationale à la CAN. Et au vu maintenant du classement, on voit qu'il n'y a pas de chance que le Burundi soit qualifié à la phase finale de la CAN. Alors il s'est dit, puisque l'autre CAN, disons CAN 2027, mais son contrat aurait déjà pris fin. Il a dit, si vous permettez, moi je m'arrête ici. Alors, après délibération, la FFB ne voyait pas d'inconvénient à ne pas consentir avec aussi le vœu de l'entraide du sélectionneur. Après cet arrêt de collaboration entre la FFB et le sélectionneur national, et quelle sera la suite? La suite, c'est que l'équipe nationale reste. L'équipe nationale, elle est permanente. On a par ailleurs deux matchs importants contre le Malawi et contre le Sénégal. Et alors là, la FFB va s'asseoir avec le ministère, ayant le sport dans ses attributions, pour en fait voir l'entraîneur qui peut diriger ces matchs, en attendant probablement d'avoir un sélectionneur de longue durée, avec un nouveau contrat et avec de nouveaux objectifs. Une certaine opinion plaide pour le recrutement d'un sélectionneur de niveau international, un sélectionneur, disons, étranger. Au niveau de la FFB, ce que nous prenons, c'est un entraîneur, effectivement, de niveau international, c'est-à-dire un niveau qui a un niveau élevé. Et vous vous souviendrez même que Étienne Ndayiragije a dirigé l'équipe nationale de la Tanzanie. Il a même qualifié au championnat d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, nous, on privilégie le niveau, pas la nationalité. Si vous vous rendez compte, le palmarès, la qualification importante que le Burundi a connue, c'était la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Et là, c'était un Burundais qui était sélectionneur. L'autre qualification, c'était, vous rappelez, c'est la qualification du Burundi à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et là aussi, c'était un Burundais qui était sélectionneur. Mais dans l'entretemps, vous vous souviendrez qu'il y a eu plusieurs entraîneurs étrangers. Mais ces entraîneurs étrangers n'ont pas qualifié aucune équipe aux grandes échéances internationales. Pour me résumer donc, il faut la qualité et pas la nationalité. Et les statistiques penchent pour un Burundi. C'était Jérémy Manirakiza, secrétaire général de la FFB au micro de Jean Dodieu. Il a causé. Le prix d'un kilogramme de viande de vache sans eau a augmenté depuis près de 3 mois. En province Gitega, passant de 20 à 25 000 francs burundais. Les bouchers expliquent cette hausse par la mise en application de la mesure de stabilisation permanente et de la fin de l'importation de gros bétail à partir de la Tanzanie suite à la baisse de la valeur du franc burundais par rapport au shilling tanzanien. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Gitega demande à la population de s'atteler plutôt davantage à l'élevage du gros bétail et surtout à l'élevage du petit bétail. Gérard Nibigira. Il y a à peu près 3 mois, un kilo de viande de vache sans eau coûtait 20 000 francs au marché central de Gitega. Mais actuellement, il coûte entre 25 et 26 000 francs, comme l'indiquent les acheteurs et les bouchers contactés. Les bouchers révèlent que le prix de viande de vache risque de continuer à augmenter du moment que le nombre de vaches ne cesse de diminuer, et cela suite à deux raisons. La première, explique-t-il, est liée à la mesure de stabilisation permanente dernièrement mise en application. La seconde, ajoute-t-il, est relative à l'arrêt de l'importation du gros bétail de la Tanzanie parce que la valeur du frambou est devenue trop inférieure au Chili tanzanien et cet arrêt a été suivi plutôt d'un mouvement inverse d'exporter vers ce pays voisin le gros bétail du Burundi. Et suite à la hausse du prix de viande et de vache, les bouchers précisent que leur clientèle a diminué, ce qui se répercute sur le nombre de bêtes à abattre par jour. Ainsi, ils disent qu'actuellement, il arrive qu'ils abattent une seule vache par jour, contrairement aux jours antérieurs où ils abattaient jusqu'à 20 vaches par jour. Toutefois, le directeur du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Gitega, Oscar Uikunda, nie catégoriquement l'idée que la mesure de stabilisation permanente serait à l'origine de la réduction du nombre du gros bétail au Burundi. Cependant, il est d'accord avec l'idée que l'arrêt de l'importation de la Tanzanie du gros bétail est une cause de réduction du nombre du gros bétail à abattre au Burundi. S'exprimant sur l'exportation du gros bétail burundais en Tanzanie, il avoue qu'il ignore ce trafic, mais propose qu'il soit interdit s'il s'avérerait qu'il soit réel. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isangani. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.